Naturel, en collaboration avec tous ses employés et dévoués bénévoles, vous souhaite un joyeux temps des fêtes rempli de... Petite et Hataka. Bonsoir, bonsoir, amis amateurs de musique progressive et autres genres. Et c'est l'émission Terra Incognita qui est avec vous jusqu'à minuit. Et c'est un choix musical ce soir de Bruno. Et vous êtes aussi en compagnie de France Carrier et de Jean-François Lamar. Bonsoir, France et Bruno. Bonsoir. Ben oui, Bruno qui fait des gros babins. Ben ce soir, comme je disais, c'est un choix musical de Bruno. Il y aura du Regal Warm, il y aura de l'italien avec Marble House, il y aura du Windmill et toutes sortes de bonnes musiques. Et d'ailleurs, on va débuter avec Regal Warm sur l'album Big View que moi j'ai beaucoup aimé cette année. Une nouveauté de cette année là, qui est sortie dans le courant de l'été, n'est-ce pas? Je te suivais pas, excuse. Ben je vois ça, là. Je vois que t'es pas tellement... T'es pas tellement à l'écoute, là, la face dans ton magazine. Là. Et ben oui, c'est un très bon groupe anglais. Puis moi, j'ai beaucoup aimé. C'est sûr que ce disque-là va se retrouver là, dans mon palmarès là, de fin d'année. Et d'ailleurs, vous pouvez, via la page Facebook de Terra. Ben oui, de Terra Incognita. Vous pouvez faire votre choix parmi les 15. Mais comme disait Marc, ça peut être 10, ça peut être 15, mais Michel en suggérait 15. Vous pouvez envoyer ça sur la page Facebook de Terra Incognita. Et comme ça, les choix seront mis en commun. Et comme je disais, il y aura du Regal Warm et on poursuit avec Marble House. Et il y aura aussi. Oui, il y aura aussi du Kiss Kiss King Kong. Et la pièce qu'on entendra de Regal Warm, c'est Rose Parkington, They Will Not Let You Live. Et on y va en musique avec Regal Warm. Thank you. Thank you. Et c'était Amplifier de leur album Tripping with Dr. Faustus. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Anubis. C'était précédé d'un groupe que je connais pas, mais Kiss Kiss King Kong, c'est un groupe norvégien, d'après ce qu'on a vu. L'album s'appelle B/B. On a entendu de la pièce Pastime. Juste avant, c'était Marble House, le groupe italien, avec leur album Embers. Et la pièce, c'est To Make End. Et on avait débuté avec Regal Warm de Pink Views, Rose Parkinson, etc. Et on y va avec les pubs et on vous revient tout de suite après. Souhaite de joyeuses fêtes. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Et ce deuxième bloc va débuter avec un très bon groupe anglais qu'on vient de découvrir, c'est-à-dire The Windmills. Oui. Ah, c'est bon, hein, The Windmills. Très bon. Et leur album s'appelle Tribus et on va entendre la pièce The Tree et ce sera suivi de Il Circo d'Oro. Donc on y va en musique maintenant avec Windmill.

Oui, un peu. Oui, hein, y a, y a beaucoup de mélotrons. Mm-hmm. C'est la pièce titre de Pass the Evening Sun, encore une belle longue plage, et ce sera suivi de Anne with, Min, Anne with Wings. De la misère? Ben, tu peux, oui. Your reason for life is run by breathing, tough control, distract your healing. Beneath the surface, drag you down. Your feet belong on this cannot be for me. A whisper makes me shiver. The echo of the world is calling me. In a quandary, a glimpse of me returning, while I and my alter ego bow down. Thank you.

Non, c'était pas si dur. Je sais pas pourquoi je me suis enfargé tantôt. C'était de l'album From Worry to Shame. On a entendu Trading Lightly. Et on avait débuté avec la pièce titre de l'album Past the Evening Sun de Ring Van Mobius. Et ben, on poursuit en musique avec Finistère qu'on verra prochainement au mois festival, de mai. Festival, qui va fermer le festival. Ben oui, puis c'est sûr que ça va être intéressant. Et Bruno ben, nous a réservé une pièce d'un bon album. Ben, en fait, ils sont tous bons, les Finistères, là, mais Inogni Luogo. On va entendre la pièce Coro Electrico et ce sera suivi de la Cosenza Dizeno. intollerabile questa sua ricerca. La natura si vendicherà, precipita il fattore che frenava la sua animalità. Thank you, Tribloc! Ben oui, merci. C'est la Cosenza d'Isano dans une version enflammée. Et comme batteur, il y a Andrea Orlando qui sera au festival avec Finistère. Mm-hmm. Et Finistère avait d'ailleurs débuté ce bloc-là. Nous, c'est déjà tout. On termine avec Regal Warm, mais d'un autre album qui est Use and Ornament. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Confession from a Deep and Warm Hibernaculum. Hein, c'est un beau titre. Ah oui, c'est un beau titre. Bon, mais je m'asseye même pas. Revenez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Terra Incognita. Et pour l'instant, restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute avec Jacques Dulac. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Either way,